الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Semaine dernière, on avait terminé l'histoire de Isa, de Maryam, de Zakaria et de Yahya, alayhim salam. Aujourd'hui, on entame l'histoire de Yusuf et de Yaqub, alayhim salatu wassalam. قال الشيخ السعدي رحمه الله قصة يوسف ويعقوب عليهما الصلاة والسلام. هذه القصة من أعجب القصص، وذكرها الله جميعا وأفردها بسورة مطولة مفصلة تفصيلا واضحا، قراءتها تغني عن التفسير، فإن الله ساق فيها حالة يوسف من ابتداء أمره إلى آخره، وما بين ذلك من التنقلات واختلاف الأحوال، وقال فيها: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائد، فنقول مستعينين بالله. الشيخ السعدي دي donc l'histoire de Yusuf et de Yaqub عليهما الصلاة والسلام. Cette histoire fait partie des histoires les plus étonnantes qu'Allah Azzawajal a raconté dans sa totalité. Allah Azzawajal en a fait une sourate à part entière, une sourate longue et d'une précision manifeste. Le fait de lire cette sourate, sourate Yusuf, le fait de la lire fait en sorte que l'on n'ait pas besoin, que l'on n'ait plus besoin d'explication. Le simple fait de la lire suffit. Allah Azza wa Jal, dans cette histoire, a raconté la situation de Yusuf alayhi salam du début jusqu'à la fin, et ce qu'il y a eu dans sa vie comme déplacement et comme retournement de situation. Allah Azza wa Jal dit, dans le verset 7 de Sourate Yusuf, il y a vraiment en Yusuf et ses frères des signes pour ceux qui posent des questions. Ainsi, Cheikh Saadi dit, nous allons donc citer ce que l'on retient de cette histoire immense comme morale, et nous disons, en demandant l'aide d'Allah Azzawajal, ce qui suit. Zikru ma fiha min al-fawa'id. Ce que l'on retient comme morale et comme leçon de cette histoire. ومنها أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى محنة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن أمن إلى خوف وبالعكس، ومن ملك إلى رق وبالعكس، ومن فرقة وشتات إلى انضمام وأتلاف وبالعكس، ومن سرور إلى حزن وبالعكس، ومن رخاء إلى جدب وبالعكس، ومن ضيق إلى سعة وبالعكس، ومن وصول إلى عواقب حميدة، فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي الألباب. Donc il dit رحمه الله, première leçon à retenir de cette histoire et que cette histoire fait partie des plus belles histoires et de celles qui sont les plus claires. De par ce qu'elle contient comme différents changements d'état, d'une situation vers une autre, d'une épreuve vers une autre, d'une épreuve vers une épreuve et un bienfait, d'une humiliation vers une puissance, d'une sécurité vers une peur et vice-versa, d'une royauté vers de l'esclavage et vice-versa, d'une division et zizanie vers une union et un rapprochement et vice-versa, d'une joie vers une tristesse et vice-versa, d'une aisance vers une sécheresse et vice-versa, d'une étroitesse vers une largesse et vice-versa, et d'une crise vers des bonnes fins. Gloire donc à celui qui raconte cette histoire et qui en a fait un enseignement pour les gens doués de raison. ومنها ما فيها من أصول تعبير الرؤية المناسبة وأن علم التعبير علم مهم يعطيه الله من يشاء من عباده وأن أغلب ما تبني عليه المناسبات وما تبنى عليه المناسبات وضرب الأمثال والمشابهة في الصفات. Ce qu'on le retient également de cette histoire de Youssouf alayhi salam est qu'elle contient les bases de l'interprétation des rêves et que la science de l'interprétation des rêves est une science importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et que les choses les plus importantes sur lesquelles se reposent les bases de l'interprétation des rêves sont les événements, les paraboles et les ressemblances dans les caractéristiques. فوجه مناسبة رؤيا يوسف أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له أن هذه زينة للسماء وفيها منافعها فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينة الأرض وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية ولأن أباه وأمه أصل وإخوته فرع عنهما فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما من الفرع فلذلك وجرما من الفرع فلذلك كانت الشمس أمه أو أباه والقمر الآخر منهما والكواكب إخوته ومن المناسب أن الساجد محترم لمن سجد له والمسجود له معظم محترم فدل ذلك على أن يوسف يصير معظما محترما لأبويه وإخوته ولا يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى هذا من علوم وأعمال واجتباء من الله فلهذا قال وكذلك يجتبيك ربك. Puis Cheikh Saadi rahimahullah va donner des exemples qui prouvent que l'histoire de Youssouf alayhi salam comporte les bases de la science de l'interprétation des rêves. Il donne le premier exemple, rahimahullah, en parlant du rêve de Youssouf alayhi salam, lorsqu'il a vu le soleil, la lune et les 11 astres se prosternaient devant lui. Que tout ceci sont, c'est-à-dire le soleil, la lune et les astres, sont un embellissement pour les cieux et comportent de nombreux bénéfices. Ainsi sont les prophètes, les savants et les pieux qui sont un embellissement pour la terre, qui sont un embellissement de la terre, car c'est grâce à eux que l'on peut se diriger dans les ténèbres, de la même façon que l'on se dirige sur terre par les astres dans le ciel. Et parce que son père et sa mère sont la base et que ses frères en découlent, eh bien, il était normal que la base soit plus lumineuse et de plus grande taille que la branche. Ainsi, le soleil était sa mère ou son père, et la lune, le dernier des deux. C'est-à-dire, si le soleil était la mère de Youssouf, la lune serait son père. Et si la lune était son père, le soleil était son père, la lune serait sa mère. Et les astres, les 11 astres, sont ses frères. Donc le père et la mère sont la base, d'où le soleil et la lune qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus lumineux que les autres astres que l'on voit dans le ciel. Et également, cela coïncide, ce rêve coïncide avec l'histoire de Yusuf alayhi salam, car celui qui se prosterne respecte ce pourquoi ou ce pour qui il se prosterne, ce à quoi il se prosterne. Celui qui se prosterne respecte ce à quoi il se prosterne. Et celui à quoi l'on se prosterne est honorable et respecté. Cela prouve que Yusuf alayhi salam allait devenir important et allait être respecté par ses parents et par ses frères, notamment lorsqu'il, hein, dans la fin de l'histoire, et on verra, lorsqu'il est devenu ministre de ce roi, que l'on verra, Inch'Allah, par la suite. Et cela, c'est-à-dire atteindre un niveau de respectabilité et d'importance, ne peut avoir lieu que par des introductions, par des causes comme la science, comme des actes et comme une sélection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah azza wa jal dit, ainsi ton Seigneur te choisira. Wa kadhalika yajtabika rabbuk. Wa minha المناسبة في رؤيا الفتيين حيث عبر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أن الذي يعمل هذا العمل يكون في العادة خادما لغيره وأيضا العصر مقصود لغيره والخادم تابع لغيره ويؤول أيضا إلى السقي الذي هو خدمته فلذلك أوله بما يؤول إليه وأما تعبيره لرؤيا من رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ رأسه الذي هو يحمل. Également, dans l'interprétation du rêve de ces deux jeunes personnes, qui était dans la même prison que Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam a interprété le rêve du premier jeune qui s'est vu en train de presser le vin. Et l'interprétation de Yusuf alayhi salam de ce rêve était, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. Quand à l'un d'entre vous, il servira du vin à son maître. Le rêve était qu'il s'est vu en train de presser le vin. Et Yusuf alayhi salam a interprété ce rêve en disant qu'il servira du vin à son maître. Comment est-il arrivé à cette interprétation, Cheikh Saadi dit? Car celui qui fait ce genre de travail, le plus souvent, il travaille pour autrui. Celui qui presse le raisin, il le presse pour quelqu'un d'autre. Et également, le fait de presser, l'on presse pour que autrui puisse boire. Or, celui qui travaille suit celui qui lui donne le travail. Et également, la finalité de tout cela est qu'au final, le vin soit servi. Pour cela que Yusuf alayhi salam a interprété ce rêve par la finalité de celui-ci, à savoir que s'il presse, c'est qu'il travaille au service de son maître et qu'au final, il va servir ce vin à son maître. Quant à son interprétation du rêve de celui qui s'est vu portant sur sa tête du pain et que les oiseaux mangeront de ce pain. L'interprétation est que il sera tué, puis il sera crucifié le temps que les oiseaux mangeront de sa cervelle. La cervelle qui est portée par la tête. La cervelle qui est portée par la tête. وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات بأنها السنين المخصبة والمجدبة ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحها وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد فهذه نسبته إذ رأى هو الرؤيا وكذلك السنون بخصبها وجدبها تنتظم أمور المعاش أو تختل والبقر هي آلة حرث الأرض واستخراج مغلها والمغل هو الزرع فرأى السبب والمسبب فرؤيته السبع السمان من البقر ثم السبع العجاف والسبع السنبلات الخضر ثم سبع اليابسات أي لابد أن تتقدم السبع السنين المخصبات ثم تتلوها المجلبات وتأكل ما حصل فيها من غلال ولا تبقي إلا شيئا يحصنونه عنها وإلا فهي بصدد أكلها كلها. يوسف عليه السلام a interprété le rêve du roi. Lorsqu'il a vu les vaches et les épis de blé. Lorsqu'il a vu les vaches et les épis de blé. Youssouf alayhi salam a interprété cela, les vaches et les épis, comme des années fertiles et des années de sécheresse et de disette. Pourquoi a-t-il interprété cela, les vaches et les épis, on verra le rêve, par des années de fertilité et des années de sécheresse et de disette? Et quand on parle d'années de sécheresse et de disette, cela impacte l'ensemble des gens. Cela impacte l'ensemble des gens. Or, qui a fait le rêve? C'est le roi qui a vu. Et Youssouf alayhi salam, on a déduit que cela voulait dire des années de fertilité et des années de disette, car le devenir des gens dépend de leur gouverneur. Lorsque le gouverneur est bon, alors la situation des gens est bonne. Lorsque le gouverneur est mauvais, la situation des gens est mauvaise. Et également, Youssouf alayhi salam, on a déduit les années fertiles et les années de disette et de sécheresse. Car les vaches sont les moyens et les outils de récolte. Et ce sont grâce aux vaches que l'on peut cultiver la terre. Lorsque le roi a vu que cette vache grasse était mangée par cette vache maigre. Les sept vaches grasses a été interprétées par les sept années de fertilité où le bien est abondant, et les sept vaches maigres par des années de, par sept années de disette et de sécheresse. Et le fait que le roi ait vu sept vaches grasses, puis sept vaches maigres, et sept épis verts, puis sept épis secs, cela avait pour signification que les sept années fertiles allait être les premières, car il a vu les sept vaches grasses se faire manger par les sept vaches maigres. Donc, les sept premières années seront d'abord des années de fertilité et d'abondance. Puis, elles seront suivies par sept années de sécheresse et de disette. وَتَأْكُلُ مَحَصَلَ فِيهَا مِنْ رِلَالِ Et pendant ces sept années de sécheresse, seront mangés ce qui aura été récolté pendant les sept années de fertilité et de bien abondant. Et il ne restera que le peu qui est réservé pour la semence. Car il faut garder des graines pour pouvoir les semer les terres lorsque la pluie reviendra. ثم قال الشيخ السعدي فإن قيل من أين أخذ قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فإن بعض المفسرين قال هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أو أوحي إليه فالجواب ليس الأمر كذلك وإنما أخذها من رؤيا الملك فإن السنين المجدبة سبع فقط فدل على أنه سيأتي بعدها عام عظيم الخصب كثير البركات يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين المجدبة الذي لا يزيلها عام خصب عادي بل لا بد فيه من خصب خلاف العادة وهذا واضح وهو من مفهوم العدد. Puis le Cheikh Saadi rahimahullah dit, et s'il est dit, alors dans ce cas, d'où Yusuf alayhi salam a puisé cette parole lorsqu'il a dit, comme Allah azawajal nous en informe dans le verset 49 de sourate Yusuf, puis viendra après cela une année où les gens seront secourus, c'est-à-dire par la pluie, et iront au pressoir. Donc ici, le roi a vu sept vaches grasses se faire manger par sept vaches maigres, et a vu sept épis verts et sept épis secs. Les sept épis verts, ce sont les épis qui seront mangés pendant les sept années de sécheresse, et les épis secs seront ce qui restera. D'accord ? Ensuite, Yusuf alayhi salam a dit, puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Comment Yusuf alayhi salam a-t-il déduit cette année par la suite ? Cette année qui va suivre les sept années de sécheresse. Comment l'a-t-il déduit du rêve du roi? Non? Cette vache maigre, on a dit que c'était les sept années de disette. Et cette vache grasse, les sept années de... Donc, il n'y a pas le nombre 1. Et comment a-t-il pu déduire cette année d'abondance qui va suivre les sept années de sécheresse? Cheikh Saadi rahimahullah dit, certains mufassirin ont dit que cela est un plus de Yusuf alayhi salam dans l'interprétation du rêve, et que ce plus, il l'a dit et que c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est Allah azza wa jalla qui lui a révélé cette information. Donc ça c'est l'avis de certains mufassirin. Et Cheikh Saadi dit la réponse est que ce n'est pas ainsi. Mais Yusuf alayhi salam a bel et bien déduit cela du rêve de ce roi. Comment l'a-t-il déduit? Les 7 années de sécheresse sont au nombre de 7 uniquement. Cela prouve qu'elles vont être suivies par des années où il n'y aura pas de sécheresse. Or, si une année où il n'y a pas de sécheresse suit 7 années de sécheresse, pour combler ces 7 années de sécheresse qui ont laissé un grand impact, car le fait de ne pas cultiver pendant 7 années laisse beaucoup de mauvaises conséquences et laisse des traces qui sont durables et qui sont difficiles à enlever. Donc si les gens ne subissent pas de sécheresse après ces 7 années, il faut donc que la fertilité et l'abondance de cette année qui va suivre les 7 de sécheresse soit extraordinaire et que cette abondance soit beaucoup plus grande que ce qui est d'habitude pour combler les 7 années de sécheresse, pour que les gens puissent profiter des terres et profiter des biens. Il faut que la pluie qui tombe, que les cultures qui sont les graines qui sont semées, les cultures qui sont récoltées soient extrêmement nombreuses pour que les 7 années de sécheresse soient comblées. وَهَذَا وَاضِحٌ وَهُوَ مِنْ مَفْهُومِ الْعَدَدِ. Et Cheikh Saadi dit, et cela est clair et compréhensible. Et lorsqu'il a dit, et iront au pressoir, ici souvent on dit que c'était comme Abdullah ibn Abbas qu'ils allaient presser le raisin, d'autres on dit qu'ils allaient presser le raisin et les olives pour en extraire l'huile notamment. ثم قال الشيخ السعدي ومنها ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث قص عليه هذه القصة المفصلة المبسوطة الموافقة للواقع التي أتت بالمقصود كله وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا كما هو معلوم لقومه وهو بنفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولهذا قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Également, on retient de cette histoire qu'il y a dans cette histoire une preuve de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté cette histoire de façon précise et de façon méticuleuse qui correspondait exactement à la réalité. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas lu les livres précédents, car il était sallallahu alayhi wa sallam analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela qu'Allah azza wa jalla dit ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Ce sont là des récits du ghaib, de l'invisible, que nous te révélons et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Notamment lorsque les polythéistes avaient décidé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a été informé alors qu'il n'était pas avec eux lorsqu'il complotait. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui l'en a informé sallallahu alayhi wa sallam. ومنها أنه ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. Également, on retient de cette histoire qu'il est demandé aux serviteurs de s'éloigner de toutes les causes qui pourraient amener un mal et de cacher les informations dont l'on craint qu'elles apportent des préjudices. Et cette leçon est tirée de la parole de Yaqub alayhi salam à son fils Youssouf. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Donc ce rêve que Youssouf alayhi salam a vu, lorsqu'il a vu le soleil, la lune et les 11 astres se prosterner devant lui, Yaqub alayhi salam lui a dit de ne pas raconter ce rêve car il pourrait avoir des conséquences néfastes. ومنها ذكر الإنسان ما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره لقوله فيكيدوا لك كيدا. Également, on retient comme leçon de cette histoire, et on terminera par ceci, le fait de dire à une personne ce qu'elle déteste, dans le but d'être véridique avec elle et la conseiller, ou conseiller autrui. Lorsque Yaqub alayhi salam a dit à Youssouf, il montrait un complot contre toi. Notamment lorsque tu sais qu'une personne est en danger. Est-ce que tu vas dire non, je ne vais pas lui dire car il va avoir peur? Non, il faut dire les choses à la personne même si elle déteste. Qui aimerait savoir ou aimerait savoir qu'il y a un danger imminent qui va le frapper? C'est quelque chose qui va faire peur à la personne. La personne va être déstabilisée, elle va être prise de peur, d'angoisse, etc. Or, lorsque cela est dit, non pas pour faire peur à la personne, mais pour la conseiller et pour être véridique avec elle, eh bien, il ne faut pas hésiter à le faire. Comme Yaqub alayhi salam a dit, il montrait un complot contre toi. On l'actafi bi hadha al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.